Chapitre 35. Le savoir mourir. Le baron Melchior s'avança, faisant pianoter sa canne à pomme d'or contre le parquet. Il portait une ample redingote en plumes de paon qui donna l'impression à Ophélie d'être observée par des dizaines d'yeux écarquillés. Ceux du baron exprimaient un profond regret. « Gardez vos mains bien en vue, » dit-il avec une extrême douceur. Ophélie fut forcée de relâcher le calepin qu'elle avait essayé d'atteindre dans sa poche. Elle aurait dû donner l'alerte à Renard quand elle le pouvait encore, c'était trop tard à présent. « Vous êtes venue seule ?»« Non, » souffla-t-elle. Les moustaches effilées du baron Melchior se redressèrent sous la poussée d'un sourire. C'était toutefois un sourire dénué d'ironie, presque peiné. « Vous êtes venu seul, sans vouloir vous manquer de respect. Vous mentez mal. » Ophélie sentit la colère lui nouer les entrailles. Elle avait vu cet homme comme une proie, quand il n'avait cessé d'être le prédateur. « Tel n'est pas votre cas. Vous êtes un remarquable comédien. Ne me jugez pas trop durement. Mes intentions ont toujours été excellentes. Votre sœur sait-elle à quoi est employée son imaginoire ?» « Son ancien imaginoire, » souligna le baron Melchior. « Non, Cunégonde ignore tout de ce qui se trame ici. Cet endroit était une honte avec toutes ses illusions décadentes. » grimaça-t-il en montrant un paravent où une nymphe émergeait des nénuphars pour leur faire signe de la rejoindre. « Je l'ai réaménagé comme j'ai pu afin de le rendre à peu près respectable. » Ophélie reculait au fur et à mesure qu'il s'avançait vers elle, jusqu'à se trouver dos au dédale de paravent. Le baron se tenait entre elle et l'escalier. Sauter par-dessus la rambarde du palier reviendrait à se briser les os en bas. L'autre cage d'escalier avait été condamnée par un barrage de planches infranchissables. Et pour ce qu'Ophélie avait pu en voir, il n'y avait aucun miroir à l'étage. Ça se présentait plutôt mal. De sa main gantée de noir et baguée d'or, le baron Melchior signala le fronton, trois dames vues de dos, soutenues par des statues. « J'étais en train d'en finir avec ce cher Tchekhov quand j'ai entendu du bruit dans la pièce voisine. Je ne m'attendais certainement pas à tomber sur vous. Qu'est-ce qui vous a conduite ici? Et comment avez-vous pu traverser mes bulles de confusion? Vraiment, mademoiselle la grande liseuse familiale, vous me prenez au dépourvu. » Ophélie fut envahie par une sensation glacée. Le baron Melchior ne la laisserait pas quitter cette imaginoire vivante. « Et moi qui croyais que vous détestiez la violence ?» « Je la hais. Si j'avais d'ailleurs su que Philibert vous maltraiterait de la sorte, jamais je n'aurais fait appel à ses services. » Ophélie dévisagea le baron dans la lumière rouge des lanternes. Il semblait sincère. Elle en aurait été ébranlée si elle n'avait pas remarqué la façon dont il se déplaçait, lentement mais sûrement, afin de lui couper toute retraite et de l'éloigner le plus possible de l'escalier. J'accorde beaucoup d'importance au savoir-vivre, mademoiselle. Mais j'en accorde tout autant au savoir-mourir. On peut se donner la mort proprement, entre gens civilisés, et c'est ce que j'attendais de Philibert. Je m'en serais bien chargé moi-même, affirma-t-il avec un hoquet d'épaule fataliste. Mais M. Thorne vous a toujours tenu à l'œil. Jusqu'à maintenant, du moins. Tout ça pour qu'il ne puisse pas lire le livre de M. Farouk. Souffla Ophélie. « Je trouve infiniment regrettable qu'un homme de sa compétence veuille mettre le nez où il ne faut pas. Ce mariage avec vous était une erreur que je me suis efforcé de rattraper. Bien sûr, j'aurais pu choisir de tuer M. Thorne à votre place, » admit le baron Melchior de bon gré. « Ne le prenez pas trop à cœur, mais je vous trouve moins indispensable que lui. » « Ça ne me dit pas pourquoi vous, vous avez peur du livre. » Le baron d'Oglina de la tête d'un air mélancolique. « Peur ! Allons, allons ! Ne parlez pas de ce que vous ne comprenez pas. »« Vous avez peur, » insista-t-elle. « Vous avez peur du jugement d'une autre personne. Peur de votre Dieu. Peur de décevoir ses attentes. Vous ne cessez de parler de dignité humaine, mais vous me faites penser à un esclave qui ne songe qu'à satisfaire son maître. » Il y eut un instant de silence durant lequel Ophélie entendit son cœur battre le tambour. « Si je devais en juger par votre expression, » finit par murmurer le baron Melchior, « Je dirais que vous avez beaucoup plus peur que moi. » Il se déplaçait avec une patience étudiée, tel un énorme paon, comme s'il s'attendait à ce qu'Ophélie se rendît d'elle-même. Allait-il lui lancer une illusion surprise au visage? Rasant de dos les paravents, Ophélie resserra ses doigts autour du monocle qu'elle avait gardé en main, prête à s'en servir à tout instant. Il lui fallait gagner du temps pour trouver une échappatoire. « Qui est Dieu ?»« Cela, chère mademoiselle, il ne m'appartient pas d'y répondre. » »« Vous avez assassiné vos propres cousins pour lui plaire ?» Le baron Melchior eut une moue offensée. « Je l'ai fait proprement, » insista-t-il. « Pas une seule goutte de sang n'a été versée. Pas une blessure ne leur a été infligée. Je vous promets que, si vous ne me faites pas de difficultés, vous connaîtrez une fin tout aussi esthétique. « Tch, tch, attention à votre écharpe, » l'avertit-il. « Elle a de l'énergie à revendre pour un chiffon de laine mal tricoté. » De fait, l'écharpe s'agitait tellement qu'Ophélie avait du mal à la contenir. « Vous la rendez nerveuse. » « C'est réciproque. Attachez-la, je vous prie. » Le baron Melchior désigna de sa canne le pied d'un paravent. Ophélie dut se débattre avec sa propre écharpe tout en essayant de ne pas faire tomber le monocle. Elle avait espéré un instant pouvoir renverser l'un des paravents sur le baron, mais ils s'avéraient être tous vissés au parquet. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Comment avez-vous pu vous abaisser à ça ?» Le baron Melchior se vida de son air comme une baudruche. « Je suis chagriné de vous l'entendre formuler ainsi, je vous l'ai déjà dit. Je me bats pour un avenir différent. Un meurtrier qui a versé du sang innocent et un diffamateur qui manipule l'opinion publique, » énuméra-t-il en désignant tour à tour les portes du prévôt des maréchaux et du directeur du Nibelungen. Quant à ce déraisonnable comte Harold, non content d'avoir perverti l'enfant sous sa tutelle, ainsi qu'un chenil entier, il a tenu des propos scandaleux en public. À eux trois, ils avaient trop longtemps terni le blason des mirages. Les états familiaux ne se déroulent qu'une fois tous les 15 ans. Vous en rendez-vous compte? C'était l'occasion de voir enfin la cour s'ouvrir à de nouveaux horizons. Mes cousins auraient imposé leur force d'inertie. J'avais le devoir moral de les écarter. Et Archibald, c'était aussi un devoir moral de le garder ici, pendant que sa famille rompait son lien. Vous avez bien failli le tuer. Le baron Melchior rentra la tête d'un air affligé, faisant saillir son triple menton comme s'il était lui-même victime d'un préjudice. Monsieur l'ambassadeur nous a mis tous deux dans l'embarras. Ce sablier qu'il m'a subtilisé était le seul moyen dont je disposais pour aller et venir ici à ma guise. Je suis plutôt habile de mes doigts, voyez-vous. J'avais installé un mécanisme de mon invention pour réutiliser mon sablier à volonté, sans avoir à rompre la goupille. Ce garçon s'en est servi n'importe comment. Bien sûr, j'avais envisagé la possibilité qu'un importun puisse dégoupiller mon sablier, intentionnellement ou accidentellement, et c'est pourquoi j'avais installé une bulle de confusion sur place. Ce que je n'avais pas prévu, c'était que cet importun serait l'ambassadeur en personne. Sa disparition a déclenché un dispositif de sécurité maximal avec des gendarmes à chaque détour de couloir. J'ai été contraint d'attendre les états familiaux pour pouvoir enfin rendre visite à mes hôtes sans avoir à craindre les contrôles d'identité et les questions fâcheuses. « Je crois que votre écharpe est suffisamment bien attachée, » déclara soudain le baron Melchior d'un ton aimable. « Relevez-vous, je vous prie, les mains toujours en évidence. » « Oh là là ! Croyez bien que cette situation ne me plaît pas plus qu'à vous. » Ligotée, l'écharpe se tortillait comme une anguille, aggravant le trou de son tricot. Ophélie s'écarta en feignant d'éviter ses ruades. Ce pas de côté lui permit de se repositionner. Elle n'était plus acculée contre les paravents, ce qui lui dégageait une ouverture à la gauche du baron Melchior. Il était lourd, il était lent. Si Ophélie parvenait à le contourner, elle pourrait atteindre l'escalier avant lui. « Je pense que cette situation vous plaît, au contraire. » Les moustaches du baron s'effondrèrent. « Comment pouvez-vous prétendre cela ? » ?»« La mise en scène des salles, le ton de vos lettres, la façon dont vous avez endossé votre rôle de parfait adjoint. Vous avez poussé la malice jusqu'à nous parler à Thorne et à moi, juste devant cet imaginoire, à quelques pas de vos victimes. » Mot après mot, centimètre après centimètre, Ophélie se déplaçait de façon à agrandir l'écart entre eux. Vous dites que vous désapprouvez notre union ? Je vous ai entendu une fois vous proposer pour confectionner ma robe de mariée. La vérité, c'est que vous jouez avec nous, comme un enfant joue à la poupée. Est-ce que ça vous donne l'impression d'être moins poupée vous-même ? Le baron Melchior ne se départit pas de son calme, mais Ophélie aurait juré que le plumage de sa redingote s'était mis à frémir. Il serra sa canne des deux mains jusqu'à en faire grincer le jonc. « Vous n'étiez pas si désapprobatrice lorsque j'ai fait le nécessaire pour neutraliser notre impétueux chevalier. »« Puisque vous voulez tout savoir, mademoiselle, je n'avais pas planifié de tuer qui que ce soit. Mon projet initial était de tenir mes cousins bien au calme, ici, jusqu'à la fin des états familiaux. C'était pareil pour vous, ma chère. J'espérais que vous seriez assez raisonnable pour quitter le pôle de votre propre initiative. J'ai envoyé des lettres à chacun d'entre vous, des lettres amicales, pour éviter une confrontation pénible entre nous tous. Vous n'avez pas idée de toutes les précautions que j'ai employées depuis des mois pour échapper à la sagacité de vos petites mains. J'admets avoir pris un risque en vous permettant de lire la goupille de mon sablier, mais je le savais minime. Si le meurtre n'était qu'une option parmi d'autres, rétorqua Ophélie, pourquoi l'avoir choisi ? La lueur de tristesse qui brillait dans le regard du baron Melchior s'éteignit comme une flamme de bougie. « Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit hier ? À nous d'assumer nos choix jusqu'au bout. En ignorant mes lettres, vous avez tous accepté l'idée d'être tué. J'ai donc accepté, moi, celle d'être votre tueur. » L'écharpe eut un violent soubresaut qui détourna l'espace d'un court instant l'attention du baron Melchior. Ophélie n'aurait peut-être pas d'autre chance, elle s'élança vers l'escalier aussi vite que le permettaient ses jambes. Elle avait compté sur la pesanteur du baron Melchior, ce fut pourtant d'un geste souple, presque nonchalant, qui la retint par le poignet, puis la renversa sur le parquet. Ophélie poussa un cri quand il lui tordit méthodiquement le coude derrière le dos. L'os, déjà malmené par la chute dans l'escalier, émit un horrible craquement. « Je vous ai cassé le bras, » constata-t-il avec ennui. « Vous auriez pu vous épargner cela en obtempérant, bien gentiment. » À travers les larmes de douleur qui lui embuaient les yeux, Ophélie vit le monocle noir rouler sur le parquet et tournoyer comme une pièce de monnaie. Sans même relâcher son étreinte, le baron Melchior le brisa d'un coup de canne. « Un monocle de nihiliste !» commenta-t-il d'une voix appréciatrice. J'ignorais qu'il en existait encore. Ces choses-là sont infaillibles, comme les illusions à déclenchement optique. Voilà donc comment vous avez réussi à aller et venir dans mes bulles de confusion. « Alors, mademoiselle la grande liseuse familiale, » murmura-t-il en s'appuyant de tout son poids sur Ophélie. « Pensez-vous toujours que j'ai peur ? Je vous concède que vous avez peut-être eu raison sur un point. » Il se pencha davantage, ses moustaches lui caressant l'oreille. Au fond, cette situation ne me déplaît pas tant que cela. Permettez-moi pourtant de vous interrompre. Écrasé contre le parquet, le bras tordu en arrière, Ophélie leva les yeux vers l'ombre qui gravissait l'escalier.